Bonjour, je suis Éric Charpentier, adjoint du patrimoine, chargé de la conservation. Bonjour, je suis Éric Rustan, adjoint du patrimoine, chargé de la conservation préventive. Je suis chargé de conserver les œuvres dans la réserve du musée Bertrand, de les ranger, de les récoller, c'est-à-dire d'attribuer un numéro d'inventaire, de les localiser le mieux possible pour les retrouver le plus rapidement possible. Le métier de restaurateur n'est pas du tout le nôtre. Nous, c'est vraiment la conservation, c'est-à-dire justement, le récollement, c'est de regarder l'état de la pièce, de mettre un numéro d'inventaire, de rentrer toutes les informations sur un logiciel qui s'appelle Micromusée, et ensuite de renvoyer toutes ces informations sur une base qui s'appelle la base Joconde, qui est une base nationale. Avant tout, c'est l'informatisation des réserves, enfin des objets, des œuvres. On part des inventaires, de la pièce. On essaie de cumuler la description, notre description, avec l'état lors de l'arrivée de la pièce au musée pour voir les dégradations, les choses comme ça. Sur les inventaires, on y trouve aussi la provenance. C'est pas une science exacte, hein, mais la plupart du temps, on a quand même la provenance. On a également le donateur et puis l'époque. On n'a pas de formation particulière à la base. On a fait pas mal de formations sous forme de stage. On s'est formé tout le long de notre carrière. Ma formation initiale n'a rien à voir avec le travail que je fais. En fait, c'est une fonction plus qu'un métier. Nous, ça fait 30 ans qu'on travaille au musée Bertrand, mais du fait que notre époque, nous, était quand même plus ouverte que maintenant, les gens aujourd'hui arrivent à rentrer avec des masters, et nous, c'était pas le cas à notre époque, c'est complètement différent. Et nous, on s'est formé avec notre expérience professionnelle, avec aussi des examens, des formations professionnelles, et on arrivait aussi à travers le musée à avoir des parcours. Moi, j'ai commencé à la surveillance, en surveillance de nuit. Après, j'ai fait des transports avec mon collègue pour aller chercher des œuvres, pour monter des expositions aussi. C'était une évolution à travers le musée. Quand je suis arrivé dans le service, d'abord, je suis arrivé pour m'occuper des expositions, pas du tout des collections. Au début, on allait chercher des œuvres, donc chez les artistes, et on montait les expositions au Cordelier, dans le hall de l'hôtel de ville, voilà, tout ce qui était exposition temporaire. Petit à petit, notre carrière a évolué, nos postes ont évolué, d'autres personnes se sont chargées après des expositions, et nous, on a glissé progressivement vers la collection. Alors, on est un peu les premiers à la ville de Châteauroux, parce que avant, au niveau des collections, il y avait le conservateur, enfin à l'époque la conservatrice qui accédait aux réserves. Les réserves étaient au sein du musée, un petit peu partout, dans le grenier, dans les caves, partout où ils avaient pu entasser toute la collection. C'était un petit peu mélangé, il y avait des métaux avec le bois, c'était un joyeux bazar quand même, hein, il faut le dire. Et malgré tout, c'était organisé quand même, hein, ils arrivaient à trouver facilement les objets. Et dans les années 2000, la réserve a été demandée par la conservatrice de l'époque. Donc, elle est arrivée vers 1997 et elle est repartie vers 2001, je crois. Et pendant ce temps-là, elle a fait faire cette réserve. Et on a transféré toute la collection au sein de la réserve. Alors, ça a pris un peu de temps, évidemment, parce qu'il faut trier, il faut ranger. On le fait toujours, d'ailleurs, mine de rien. Et c'est là qu'on a commencé à glisser et à s'occuper de la réserve et pouvoir accéder aux pièces. Alors dans la réserve, c'est l'espace. Bon, maintenant, on se rend compte qu'elle est trop petite. Mais quand on est arrivé, on avait vraiment l'impression d'avoir un hangar pour mettre la collection. C'était génial, quoi. Enfin, il y avait de la place, mais on n'avait pas tout ce mobilier non plus. Enfin, le mobilier de rangement, du moins. Ah, on y trouve un peu de tout. On part de la préhistoire jusqu'au contemporain. Hein. Ouais, alors après, c'est par matière, c'est rangé par. On voit les peintures, après, on voit les métaux, on voit les céramiques. du pastel, enfin tout est rangé par matière. C'est beaucoup plus rapide qu'auparavant quand c'était dans le musée. Le musée, c'était un peu par matière, mais c'était surtout par endroit. Et donc il fallait aller dans le grenier, il fallait aller sur divers endroits du musée, et c'était quand même très compliqué. Très compliqué, et puis il fallait mettre beaucoup de temps pour trouver. Donc là, ça avait évolué. En plus, maintenant, on est informatisé, donc ça va très vite. Et tout le monde peut aussi se servir du logiciel pour localiser. C'est ce qui nous permet, justement, grâce au récollement, d'avoir la pièce, l'endroit et l'état. Donc ça va très vite. Et moi, j'ai toujours été attiré par l'art. C'est peut-être pour ça que je suis arrivé ici. Mon père aimait beaucoup l'art. Donc, il m'a emmené, quand j'étais enfant, dans des châteaux, dans des galeries, des choses comme ça, des expositions. Donc, j'aimais bien. Mais ce n'est pas du tout, au départ, la voie que j'avais choisie. Et si j'en suis arrivé là, je pense que c'est un petit peu à cause de ça. En fait, ce n'est peut-être pas autant l'art que ça, mais plutôt l'histoire qui m'attire, moi. L'histoire des objets, d'où ils viennent, à quoi ils ont servi, à qui ils étaient. Enfin voilà, c'est leur vécu. C'est plutôt des objets, oui, des armes, des choses comme ça, qui, quand on les manipule, il y a un côté imaginaire aussi qui travaille. On regarde là, par exemple, une épée, on va regarder la lame. Le bord de la lame, et des fois on voit qu'elles sont un petit peu abîmées, donc on se dit que c'est des épées qui ont dû servir, enfin voilà quoi. Il y a tout un imaginaire aussi, mais bon, sur au niveau de, ça c'est pour nous, au niveau du travail par contre, il n'y a pas d'improvisation, on dit pas n'importe quoi, on écrit uniquement que sur nos fiches, uniquement que ce que l'on sait et ce qui est inscrit quoi. Il n'y a pas d'interprétation de notre part, ça c'est important. Surtout ne pas faire n'importe quoi, travailler avec les gants, pas partir à la va-vite, savoir que par exemple, quand il y a quelqu'un qui va venir pour chercher une œuvre, il faut savoir aussi la nettoyer, il faut mettre les bonnes matières, s'il faut mettre du Tyvek pour l'emballage, savoir l'emballer du bon côté, pas faire n'importe quoi. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile. En général, c'est pour des expositions, d'autres musées qui exposent. Donc, par exemple, s'ils font une exposition sur... ils parlaient des tableaux de James Pichette. Par exemple, il y avait une exposition et qui nous demande de prêter des tableaux. Dans ces cas-là, oui, effectivement, on leur prête, parce qu'entre musées, on est quand même... On se prête pas mal d'objets. Donc, ça nécessite, avant le départ de l'œuvre, de faire un constat d'état. De regarder vraiment l'état de l'œuvre au moment du départ. Soit on l'emballe et c'est l'autre musée qui vient chercher, soit c'est l'autre musée qui l'emballe, ou des fois on passe par des entreprises spécialisées de transport d'œuvres. Ça dépend des musées, ça dépend des œuvres, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte. Toutes ne sont pas exposables aussi, parce qu'il y a des œuvres qui nous sont arrivées en mauvais état. Et on ne peut pas les exposer, celles-ci. On peut les conserver, elles ont un intérêt historique, mais de là à les exposer, pour certaines choses, elles sont trop en mauvais état. Pas faire n'importe quoi, par exemple avec l'art graphique. Il ne peut pas rester trop longtemps devant des fenêtres ou mis devant des lumières. Donc il va rester... Souvent c'est 3 mois pour certains dessins. Parce qu'il faut mesurer les lux au niveau de l'éclairage. Il ne faut pas qu'il y ait d'UV. Au musée par exemple, les gens ne le voient pas, mais sur les fenêtres il y a des protections UV. On a des films pour éviter les UV et puis que la dégradation des tableaux, des peintures et puis surtout du papier, ouais, des œuvres graphiques. Quoi. Et puis ça devient de plus en plus soumis aussi à la température et à l'hygrométrie. Donc comme ici, là, il y a environ 19 degrés et puis 50% d'hygrométrie. À une époque, on n'était pas nombreux. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une équipe technique qui travaille sur plusieurs pôles. Ils travaillent également pour l'AMBAC, la médiathèque. Et c'est souvent eux qui interviennent pour le changement des tableaux. Nous, on les prépare. on les emballe, ils sont transportés là-bas et c'est eux qui se chargent de l'accrochage la plupart du temps. S'ils ne sont pas disponibles, effectivement, c'est nous qui y allons. On y va le matin, oui, ben bien sûr, parce que devant les visiteurs, c'est toujours un peu... on met un peu de bazar autour de nous quand même, hein, dans ces cas-là. Oui, on a des crochets, on a des tiges, on a des fois, il faut, enfin, on a des visseuses, des choses comme ça, donc... Ouais. Oui, il peut y avoir des donations, heureusement. Il y en a encore, mais c'est bien. Hein, ouais. Des dons, des legs. Parce qu'il faut que ça passe d'abord par la direction du musée. Après, il faut que ça passe en délibération au niveau de la ville. Parce qu'un musée ne peut pas accepter n'importe quoi non plus. Et seulement après, une fois que c'est passé au conseil municipal, ça nous arrive. Et après, il faut que ce soit validé par la direction régionale des affaires culturelles. Et à partir de là, nous, on peut l'immatriculer, c'est-à-dire lui donner un numéro, et là, ça rentre dans la collection du musée. J'aime bien le Sakuntala, parce qu'il a vraiment une histoire au sein du musée, et c'est quelque chose qui est surprenant d'avoir au musée Bertrand, et puis c'est magnifique, moi je le trouve magnifique. En fait, l'histoire, c'est Camille Claudel qui l'a donné au musée. Et il fallait acheter, en contrepartie, un tableau. Et ce tableau de Harrison a été acheté par la ville. Et ce Harrison, il est magnifique parce que c'est une scène marine. Là, et franchement, il est super beau. Ouais, c'est le Harrison, c'est ça. Il est magnifique. Et les deux, là, c'est vrai qu'ils sont magnifiques. Et cette œuvre-là, justement, de la voir, parce que ça a mis du temps, parce qu'il était... au départ, il ne voulait pas le sortir. Ça a été difficile de le ramener au musée. Franchement, c'est une belle pièce. Hein. Puis là où il se trouve, en plus... Voilà, et puis moi, j'aime bien la scène de Saba. En fait, c'est Van der Eyck. Je sais pas, il est rigolo. Il y a des poissons à pattes, il y a des choses comme ça, des petites sorcières. Voilà, c'est un de mes tableaux préférés que j'aime bien. C'est celui qui a les petites sorcières, là, voilà, dans le ciel. D'abord, nous, on nous donne une liste, hein, parce que ce n'est pas nous qui décidons ce qui est mis en exposition. Donc, on nous donne une liste d'œuvres. On va sortir les tableaux, on va les marquer sortis donc, sur nos fiches informatiques pour savoir où ils se trouvent. D'abord, faire l'état, regarder s'ils sont exposables. On va les emballer. Ça s'en va au musée. Et l'équipe technique, en général, monte les expositions au sein du musée. Nous, on intervient, on vient en renfort pour aider les gars. On met aussi en place, mais c'est surtout eux qui font le travail. Quoi. Les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais effectivement, monter une exposition, c'est pas juste accrocher des cadres sur un mur. Hein. C'est un peu plus compliqué que ça, il y a un peu plus de réflexion et de travail. C'est-à-dire qu'en général, une exposition, c'est un peu pensé. C'est pensé, c'est soit les thèmes, soit ça peut être chronologique, ça peut être, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pensé, on met pas les tableaux comme ça, les uns à côté des autres. Voilà, il y a un cheminement. Alors, c'est souvent le commissaire d'exposition qui met ça en place, ou la direction. Mon plus beau souvenir, c'est certainement justement un montage d'exposition qui était au Cordelier avec Robert Combas. Et franchement, ça a été un montage d'exposition impressionnant. Et justement, l'artiste était présent et on nous avait décrit un sacré personnage. Et franchement, oui, c'était un sacré personnage, une grande rencontre. C'était quelqu'un d'impressionnant. On nous l'avait décrit partant dans tous les sens. Il partait effectivement un peu dans tous les sens, mais c'était quelqu'un qui était très, très respectueux avec nous. C'est de la peinture, c'était très figuratif. C'est une belle exposition, un grand personnage. Oui, il m'a impressionné. Des bons souvenirs avec des collègues, des fous rires. Puis les artistes, effectivement, Robert Combas, Jacques Equilly, des gens qu'on a connus. Effectivement, James Pichette, moi j'ai un souvenir. Bon, on avait monté une exposition à la médiathèque avec lui. Et au dernier moment, il voulait nous faire changer tout un tas de trucs. On voyait l'heure du vernissage qui arrivait. Et j'ai un peu pété un plomb. Je lui ai dit, Monsieur Pichette, vous êtes venu à Châteauroux pour exposer ou pour m'embêter ? Il m'a dit, non, prenez-le pas comme ça et tout. Enfin bref, on s'était un peu pris la tête. Bon, après, c'est vite retombé, bien sûr. Hein. Et quelques semaines après, j'ai reçu une lithographie au musée, à mon nom, de James Pichet, avec un petit mot, en espérant retravailler avec vous. Et voilà, et cette lithographie m'était adressée, non pas au musée, mais c'était personnel. Donc, il me l'offrait, et je l'ai toujours. Et ça, c'est quelque chose, j'y tiens beaucoup, quoi. Et si on ne s'était pas pris la tête, il ne m'aurait certainement jamais envoyé cette lithographie, quoi. Voilà, c'est un des bons souvenirs, quand même, malgré tout. J'aime beaucoup le couvent des Cordeliers, les jardins derrière, tout cet espace-là, la rue Gué aux Chevaux, tout ce coin-là, j'aime beaucoup. Derrière, on voit les anciens remparts. Je sais pas, il y a un petit bout d'histoire là.